Galère après galère, mais je me dis c'est ça la vie. Leurs yeux rivés sur mon bénéfice, à mon avis. Un peu solo, un peu saoulé de tout ce qui m'arrive. Un peu trop sous les projecteurs, j'ai perdu la vue. Je reste calme et j'analyse. L'humain et sa ruse. Je reste calme et j'analyse. L'humain et sa ruse. C'est fou là. Pourquoi tu me filmes bien ma boule? L'amour là. Qui vont me boire si je coule? On est ensemble, mais tu transformes. Tu me parles ensemble, je suis mieux tout seul. J'en ai assez, tout se passait, je m'en suis lassé. Tu sais, maintenant je vis dans une zone à risque. Paris qu'ils en veulent à ma vie. Je pense que je les dérange à mon avis. Ils sont étranges, je les ai vus. Ouais, ouais, ouais, ouais. Galère après galère, mais je me dis c'est ça la vie. Leurs yeux rivés sur mon bénéfice, à mon avis. Un peu solo, un peu saoulé de tout ce qui m'arrive. Un peu trop sous les projecteurs, j'ai perdu la vue. Je reste calme et j'analyse. L'humain et sa ruse. Je reste calme et j'analyse. L'humain et sa ruse. Je peux pas tout dire. On s'est fait seul juste en tartinant. Triste à venir. Les taux se resserrent sur nos sentiments. Une place dans ma vie pour qu'on meure ensemble. La misère, je veux la fuir, je veux pas qu'elle me malmène. Veulent ma somme sans travail colossal. À chacune des stories, je sais qu'on me surveille. Rebeu, j'te flaire, tu veux ma paire et mon fer. Et pour ces formes, il en faut peu pour te perdre. J'ai trop souffert pour leur donner mes nouvelles. Toi qui pensais qu'on passerait même pas l'hiver. Galère.